Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1. Sur le poste, une aventure qu'on peut aussi écouter sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, heureux de vous retrouver en ce début de saison automnale, ou presque, avec l'été finissant qui s'ouvre subtilement sur des sonorités changeantes à l'extérieur. Tout ça associé à la chute des feuilles, au souffle du vent sur les eaux fumantes de matin, de plus en plus frisquet. Bon, et puis on va entendre probablement dans les prochaines semaines l'ouverture d'un parapluie ou encore les pas dans les flasques. Bref, les sons de l'automne qui s'en viennent. Cela dit, je vous propose ce soir une entrée en matière sonore plutôt cool avec des créations issues de collaborations, des projets en duo particulièrement réussis impliquant souvent des complicités de longue date. On va écouter au cours de la prochaine heure des extraits de 4 albums unissant des artistes américains, français, russe et québécois. Et je débute ça avec un magnifique projet réalisé à partir d'une collaboration à distance, par le biais des outils de communication numérique qu'ont mis à profit les créateurs Jason Kolun, un Américain vivant à Philadelphie, et le Russe Egor Klushikin, connu sous l'avatar Four Step depuis une dizaine d'années. Je vous fais entendre un titre tiré de l'album intitulé A Four-Part Cure. Bon, un traitement en 4 parties, création qui combine, vous le verrez, des instrumentations musicales et des phonographies du temps qu'il fait. Kolun et Four Step partagent, dit-on dans la documentation, une collaboration transcontinentale. Bon, c'est désarmant par sa fragilité et sa sensibilité émotionnelle. Vous verrez, c'est assez intéressant. Combinant le piano, la basse et le bruissement des sons du quotidien, ce traitement dit curatif en 4 parties offre une chance, nous disent-ils, de se libérer du froid tout en offrant le froid lui-même. Mais c'est tout de même assez chaleureux comme proposition. Alors, beau paradoxe, on écoute ça. Thank you. C'était Jason Colon et Four Step, ce projet intitulé A Fourth Part Cure. Je vous parle sommairement des créateurs. Bon, Jason Colon, un artiste sonore, musicien, qui vit à Philadelphie, en Pennsylvanie. On raconte que sa musique se caractérise par des résonances émotionnelles, par la recherche de liens et l'évocation de personnes et de lieux. Certains morceaux construits comme des cartes postales par leur brièveté et leur sens de l'annonce. Egor Kloshikin, lui, est un artiste travaillant sous le nom de Four Step depuis 2012. Il est d'origine russe, comme je l'ai mentionné, a grandi à Berdski en Sibérie. Ses créations puisent dans le paysage russe, évoquant à partir de boucles des ambiances de forêts sibériennes sur bruitage sonore de basse fidélité, ce qu'on appelle le lo-fi. C'est donc à la suite d'un premier travail de collaboration à distance que Jason et Egor ont réalisé Cure in Fort Part, que Lone et Kloshikin se sont envoyés des éléments par courrier pendant des mois avant d'en sortir quatre titres, trouvant leur liberté à partir d'un groupe intentionnellement limité d'instruments et de sources sonores. Cela dit, on écoute un autre extrait de ce bel album, Four Part of Cure, qu'on retrouve sur le label new-yorkais Florabel. Alors, on écoute ça. Thank you. Très beau projet de Jason Coloon et Four Step, cette thérapie en quatre parties, c'était la partie numéro 3. Je vous fais entendre cette fois un projet réalisé par les Québécois Michel F. Côté et Aimé Dontigny, deux artistes exceptionnels. Le premier étant pour le moins hyperactif sur le plan de la création avec ses nombreuses identités. Bon, je les nomme, j'en nomme quelques-unes, Klaxon Gueule, Mecha Fix Clock, Thierry Key, c'est entre autres. Et ce dernier, Aimé Dontigny, moins présent sur la scène sonore depuis quelques années, passé à titre de gestionnaire culturel. Alors, mais qui a fait tout de même école en compagnie d'Éric Dorion, d'Alexis Bellavance et du groupe Napalm Jazz notamment. Quoi qu'il en soit, on les retrouve cette fois en 2008 pour dire que c'est un travail qui a pas vieilli, mais pas du tout, autour d'un projet intitulé La Note Fa, dans lequel on retrouve, pour les citer, une musique sculpturale sur du groove, comme si le blender était à whip. étape. Alors, ça ressemble, disent-ils, à une promenade en sous-marin qui se termine mal. Aucune perspective d'avenir, disent-ils. Ces jours-ci, perdre son temps vaut plus que l'inverse. Et Dontigny, côté, nous invite à faire de même. Et franchement, pourquoi pas? Là-dessus, on écoute un titre. Ça s'intitule « Vision nocturne », c'est tiré de l'album « La note est fa » de Michel F. Côté et d'Aimé Dontigny. Thank you. propos de cet album, la note TFA, la critique part d'un trip énergétique. Chaque morceau est à pleine vitesse avec une multitude de petits sons qui se produisent tout autour. Un trip qui ne vous laisse pas indifférent, dit la critique. Une forme de musique improvisée, complètement déjantée. On en conclut qu'il vaut mieux éviter les comparaisons, les références génériques, car elles sont quasiment inutiles pour décrire une musique aussi absolument bancale, aussi schizophréniquement active, aussi réfractaire à une assimilation facile et à une compréhension standardisée. Ça se termine par trois petits points et des guillemets. Alors, tout est dit. On écoute cette fois une plage intitulée Bounce, date ARN. Est-il messager, cet ARN? Ben, on écoute ça. Voilà ce qui complète la première demi en compagnie de Michel F. Côté, d'Aimé Dontigny et leur album La Note des Fa. Restez des nôtres, je vous reviens après la pause. Bref battement promotionnel. À tout de suite. KRL 89.1. Thank you. Vous écoutez ? La croche-oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL le 89.1, une émission qu'on retrouve sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver ce soir. On reprend la saison, on se retrouve autour de créations sonores et musicales qui illustrent les routes et les processus empruntés par les artistes qui travaillent en collaboration. Bon, des collaborations tantôt animées par l'amitié, des complicités esthétiques ou par la magie, tout simplement d'une correspondance comme l'ont réalisé l'Américain Jason Kaloun et le Russe Igor Kloshikin, dit Four Step, qu'on a entendu en première demi-démission. Je vous propose maintenant l'écoute d'un projet énigmatique intitulé Junk Material. C'est réalisé par les artistes sonores Howard Stelzer et Bruno Duplan. C'est un travail de recherche particulièrement intéressant parce qu'il s'inspire du modus operandi, qui est un peu le propre des musiques expérimentales, en tout cas de la musique concrète et de la création sonore. Un modus operandi qui se résume aux actions de l'arte povera, pour donner un exemple, ou encore de l'économie circulaire. Fouiller des inventaires pour découvrir des matériaux sonores dans ce cas-ci, les récupérer dans l'état qu'ils se trouvent, les recombiner à l'intérieur d'un ensemble plus vaste, pour les remettre en circulation aux fins d'une deuxième vie esthétique cette fois. Stelzer et Duplan ont nommé ça « junk material ». Howard Stelzer est un compositeur de musique électronique dont l'œuvre est principalement composée de sons générés par des cassettes et des magnétophones. On raconte que la musique de Stelzer est l'expression d'un refus obstiné de s'avouer vaincu. Ben, c'est intéressant. Et la nuit, il se penche, dit-on, sur des piles de plastique, de fils et de petites boîtes pour faire de l'art. Bruno Duplan est quant à lui un compositeur et musicien vivant dans le nord de la France. Pour Duplan, que j'ai déjà présenté, composer et jouer de la musique revient à imaginer, créer, parfois décomposer, de nouveaux espaces réalités et de nouvelles entités qu'il appelle tout simplement « fiction ». Mais c'est aussi une réflexion sur la mémoire qu'il nous propose, mémoire des choses, des espaces et des moments, et surtout ce qui est invisible, intangible. On comprend l'intérêt de ces deux-là, Stelzer et Duplan, pour l'économie sonore que j'appelle ce soir cette économie sonore circulaire. Alors on écoute le projet 2, le volet 2 du projet Junk Material, un projet qu'on retrouve sur le label marseillais Fault. Alors voilà. On écoute ça. On vient d'entendre un extrait de Junk Material de Bruno Duplan et d'Howard Stelzer. C'était le volet 2. Et pour compléter la soirée, je vous propose un extrait cette fois du dernier album des artistes sonores et musiciens montréalais Sarah Pagé et Patrick Graham. Un magnifique projet dont je vous ai parlé la saison dernière intitulé Literal States qui met en valeur des expérimentations assez audacieuses de créateurs associés à des lutheries traditionnel, bon, la harpe pour Sarah Pagé et les percussions pour Patrick Graham. On raconte que l'alchimie esthétique fut immédiate. Literal States aborde avec brio plusieurs réalités complexes. La musique s'étend, se contracte, se noue et se déploie sans jamais paraître forcée ni lourde. Une écoute attentive peut révéler des traces sous-jacentes de formes musicales connues, mais dans l'ensemble, Literal States parvient à recréer la sensation inimitable d'écouter un monde plus vaste, immense. On y entend presque le crépitement d'un feu de forêt, le grain des eaux d'une rivière dans la roche, le craquement des branches à l'aube, la terre habitée de nouvelles racines. Je referme les guillemets parce que c'est ce qu'on retrouve dans la description de ce bel album. Alors on écoute une création tirée de cet album intitulée « Burning ». Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Jason Kalloun, Edgar Klushikin, Aimé Dontigny, Michel F. Côté, Bruno Duplan, Howard Selzer, Sarah Pagé, Patrick Graham. Et grand merci aux artistes et collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve entre autres sur les labels Envision, Florabelle et Fault. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités du projet Littoral State de Sarah Pagé, de Patrick Graham. Alors voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou, à Québec, très beau quartier, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.